éléments. Eh bien, bonsoir Tenaille. Hey, comment ça va? Bah, je sais pas qui répond en premier. Oh bah, allez, c'est moi. Ah bah vas-y alors. Bah ça va pas mal. Et toi donc? Bah oui, enfin techniquement ça va moyen. Enfin, non. Non, c'est pas l'émission où tu racontes toutes tes histoires. Ah d'accord. Non. Mais oui, oui, non, mais si, ça va pas mal. Non, là, je suis bien. Là. Bon, bah ça me fait plaisir. On est de retour pour des nouvelles petites rétro chroniques. Eh oui. Des eh petites oui. capsules, parce que bah du coup pas d'émission cette semaine. Donc, oui. Je redis juste rapidement le principe. Donc dans ces capsules, on va parler des groupes qui ne viennent pas pour la première fois au Hellfest, qui reviennent et dont sont déjà venus. Oui, exactement. Et qui pour la majeure partie ont déjà été chroniqués lors d'une saison précédente de Road to Hellfest. Mm-hmm. Et donc là, c'est pour un peu toi te permettre d'avoir de pouvoir quand même donner un petit peu ton avis. Ouais. Ça me permet de découvrir aussi tout à fait. Parce que et bien sûr, dans l'idée, c'est pas toujours de présenter que des groupes que j'aime ou qu'on pourrait aimer. L'idée, c'est aussi des fois de par exemple, tu vois, de créer un mais petit peu de discussion. Ouais, hein, ouais. C'est un petit peu ça. Que t'es là pour pousser vers des trucs qui j'aurais pas forcément été comme ça sur le papier. Et puis finalement, mais parce qu'il faut jamais se fier au papier. Non, mais c'est bien. C'est ça qui est cool. Est-ce que du coup, on passerait pas directement par un petit générique? Allez, c'est parti. Eh ben, vas-y. J'avais besoin de me défouler un peu. T'as, bien raison. Alors, ce qui est drôle, c'est parce que du coup, cette fois, j'ai un générique. Ah. Je l'avais préparé. Ah, d'accord. Pas parler. Et oui, on va parler d'un groupe qu'on a déjà chroniqué au moins deux fois en tant que groupe et une fois en tant que projet solo où tu étais dans la saison où c'est arrivé. Okay. Et c'est un groupe que je déteste profondément et donc c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi. Ah, encore ? Non, mais celui-là, en fait, j'ai un vrai... Tu es aussi méchant que... Non. En fait, quand je dis je déteste, c'est pas tout à fait ça. C'est que j'ai un vrai problème avec ce groupe. D'accord. Mais que je sais qu'il, pour le coup, plaît à beaucoup d'autres mondes. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un groupe un peu clivant qui peut plaire d'un côté et en même temps déplaire et principalement quasiment pour la même raison. D'accord. Donc je te propose tout de suite de parler de Lee Plus. Donc déjà, est-ce que Lee Plus pour toi c'était une découverte? Oui. Alors que pourtant tu connaissais déjà Einar Solsberg. Einar, c'est vrai, le c'est chanteur. Vrai. Ouais, c'est toi qui l'avais chroniqué, non? Einar Solsberg. Ou c'était Bob. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je ne crois pas du fait que j'ai pas énormément de souvenirs. Bon, mais je ne crois pas. En tout cas, Lee Plus c'est un groupe de métal progressif qui vient de Norvège, qui s'est formé en 2001. 2001. Allez, est-ce que c'est on va toujours avoir ce son très fort ou pas? Non, c'est pour non, savoir. Il suffit de demander. Non, c'est pour savoir. Oui, c'est vrai. Parce que les gens ils aiment pas trop les sons comme ça. Ah, ils sont là, ils font oui, mais les gens les sons comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui reçoit des messages? Problème résolu. Très bien, merci beaucoup, Tenak. Donc formé en 2001, donc principalement par Einar et du coup Tord Holm qu'on dit Touro. Apparemment, okay. Je crois, de ce que j'ai pu voir, et qui sont encore d'ailleurs les deux membres encore dans le groupe à l'heure actuelle. Mmh. Et ils se sont formés à une époque où ils étaient carrément très très jeunes, parce que si je dis pas de conneries, ils devaient avoir 15 et 16 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc il est et donc ils étaient donc très très jeunes quand ils sont formés, ils sont lancés dans la musique et ils ont été quand même assez rapidement pris quand même sous l'aile de Ishan qui est le beau-frère de Einar. Donc en fait le groupe a souvent été joué en première partie souvent. L'impression que c'était une histoire d'amour, ils se sont suivis pendant longtemps, ils ont fait beaucoup de premières parties. Tout à fait, ils ont fait plein de premières parties partout. Ishan est venu sur le faire un feat sur Lee Plus. Ouais. Einar est dû venir sur l'album d'Ishan et même Ishan est revenu sur l'album de Einar. Ouais. Donc vraiment, voilà, ils sont comment dire, beauf. Ouais, ils sont un peu beauf. Un peu beauf. Bah beau frère. Ah ouais. Ils sont beau frère. Ishan est marié avec la sœur de Einar. D'accord. C'est oui. Histoire de famille, je comprends. Tout mieux. À fait. Donc un groupe de métal progressif. Et ce qui a pour particularité quand même, c'est que ils ont eu un tournant musical assez impressionnant. C'est-à-dire que quand tu regardes les premiers albums, ils sont vraiment orientés très métal progressif, ouais. sans particularité, enfin sans la touche Lipouz qu'on peut retrouver par la suite. Et c'est à partir de 2015 avec l'album Congregation, si je dis pas de bêtises, où là il y a vraiment un virage qui commence à se faire, où Énard prend un peu le lead. Avant il était chanteur, et après il est commencé à devenir parolier, et il était aussi principal compositeur. Okay. Et aujourd'hui en fait depuis cette période, quand t'écoutes Lipouz, en fait aujourd'hui tu vois vraiment que c'est la voix de Énard qui est mis en avant, toute ouais. cette voix, cette petite cette espèce de chant lyrique. Ouais, oui, avec la voix bien mieux voilà. là, ouais, qui d'accord. est extrêmement poussée, qui est mis ouais. en avant, ouais. à tel point je trouve que même quand t'arrives sur les deux derniers albums, que ça soit Aphelion ou Melody of Atonement qui est sorti en 2024, mm-hmm. bah musicalement t'as presque plus de métal progressif, t'as des espèces un peu de trucs planants qui viennent accompagner la voix, des espèces de trucs mm-hmm. un peu jazzy, mm-hmm. un comme peu comme si c'était arrêté sur la recette qui a peut-être matché ou j'en sais rien. Bah enfin, je sais pas, je pense qu'à un moment donné, en fait, de ce que j'ai pu comprendre entre Énard et Touro, eh ben, c'est qu'ils se mettent toujours d'accord un peu sur la couleur ou la forme que va avoir un album dans la composition. Mm-hmm. C'est Énard qui compose tout. Après, les autres amènent un petit peu leur okay, touche. Ouais. Mais, il y a toujours une espèce quand même de réflexion faite en amont. Et en fait, moi, ce que je vois plus, c'est que Énard, il est en train de creuser un sillon et qu'il a créé vraiment l'imagerie et la forme actuelle de Lipouz. Parce mm-hmm. que même quand tu regardes les pochettes d'albums, il y a vraiment un virage qui se fait. Je sais pas si tu les as bien regardés, mais entre les premières un peu colorées et tout, ouais. qui se perd après par la suite pour des trucs vachement plus stylisés, un peu plus sombres. Pas si vrai que ça. C'est vrai que les deux premiers sont très colorés. Après, c'est vrai qu'on est plus sur de la grisaille. Ouais, mais qui est moins stylisé. Regarde, c'est beaucoup moins stylisé. Ça arrive vraiment à un moment donné où qualitativement, il y a un truc qui se passe en termes de visuel. Ouais. Tu vois, il y a un niveau d'un coup qui est passé, je trouve. Ouais. Après, c'est vrai que tu vois, il y a deux, trois albums, t'as l'impression que la pochette représente. Ah, bah non, mais c'est normal. En fait, c'était trois fois la même pochette, il y a juste la couleur qui changeait. Mais tu vois, le graphisme est plus stylisé, il y a un truc, et qui correspond à peu près où musicalement le groupe a varié pour arriver à cette espèce de forme actuelle qui est pour le coup, et c'est le gros point positif que je pourrais mettre sur Lipouz, qui ressemble à leur signature où aujourd'hui tu reconnais tout de suite du Lipouz. Oui, c'est ce que j'ai. Mais je trouve que tu le reconnais essentiellement de par le chant de Énard. Ah ben la voix y est pour beaucoup. Hein. Ouais, et moi c'est là où j'ai un problème, c'est-à-dire que musicalement, et on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, musicalement ça passait. Ouais. Les premiers albums, juste avant le virage, quoi. Par exemple l'album Attends, je me permets de regarder ton téléphone. L'album The Congregation Call, je suis plus sûr. Enfin, il y en a. Congregation, on n'est pas encore tout à fait au vrai virage. Mais il y a un début déjà. Musicalement, je trouve qu'il passe bien, sauf qu'il y a les prémices de ça. Alors, justement, c'est là où j'arrivais pas trop à cerner parce que j'en ai écouté quelques-uns quand même. Le virage, tu parles, c'est vraiment au moment où sa voix est un peu prédominante, où oui. elle prend le dessus. Ouais, oui, oui. Ok, d'accord. Oui, et parce que dans le style, je voyais pas vraiment. Et ben, parce qu'en fait, si tu regardes bien, au début, t'as musicalement du métal progressif mm-hmm. qui est très classique. Ça fait vraiment penser à d'autres trucs comme du Dream Theater, vraiment. Ouais. Et même dans l'interprétation vocale, tu sens qu'il y a une espèce de logique entre t'as les morceaux et la voix qui va avec. Ouais. Et à un moment donné, les voix, parce qu'il en faisait oui, tout à fait. Plusieurs. Bah, c'est l'autre, justement, c'est Touro qui vient accompagner en okay. fil. Et derrière, à un moment donné, t'as le virage où t'as l'impression que c'est l'inverse. La voix est devant et il trouve un moyen musicalement de l'accompagner ou de la sublimer, je trouve. Ouais. Mais moi, par exemple, dans les derniers albums, je suis incapable de me souvenir mélodiquement d'un truc, alors que les lignes de chant, oui. Tu vois, l'extrait qu'il y a dans le générique, où la voix, elle s'envole, bah, ça, ouais, je le retiens. Mais le reste, musicalement, j'ai rien du tout. Je vois, oui. Dans le sens où, vu qu'il prend trop de place, tu te concentres peut-être trop dessus. Et pour du coup, moi. T'en oublies un petit peu les. Bah, je les suis un peu, petit peu perdu. Derrière. Voilà. Ouais. C'est un peu ça. Et donc, du coup, je perds même le côté un peu métal progressif. C'est plus, limite, du métal accompagnant. Ouais, ouais. Surtout que j'ai lu dans des interviews que, apparemment, ce dernier album, sorti en 2024, eh ben, était, pour revenir, un peu au début en mode plus rock, plus énervé, tout ça, ce que je trouve pas vraiment. Oui, mais en même temps, est-ce que ça a déjà été très énervé? Ça a jamais été très énervé non plus. Non. Peut-être un petit peu plus énergique, peut-être. Ouais. Énervé, j'ai jamais trop trouvé. Mais peut-être même dans les premiers, non? Bah, si, en fait, non, mais musicalement plus métal, quoi. Parce que là, je trouve que ça l'est par certains côtés. C'est popisant presque. Ouais. Mais pas complètement, quand même. On n'y est jamais, hein. Non, non, non, non, heureusement. Mentalement, on est toujours sur un truc assez technique. C'est assez technique. Métal toujours présent. Mais c'est quand même moins mis en avant, selon moi. Et ce qui a fait qu'à chaque fois, j'ai jamais eu envie d'aller voir le groupe en concert. Parce que, en fait, cette voix qui est tellement présente, au bout d'un moment, elle me perd. et elle me fait sortir du truc, quoi. D'accord. Mais je pense que c'est justement là où il y a le point de rupture entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, parce que je pense que quand tu n'aimes pas du tout, tu vois. C'est, je pense. Si, parce que là où je te rejoins, c'est vrai que la voix, elle est vraiment extrêmement prédominante. Je veux dire, un titre de Lee Proust, tu le reconnaîtrais peut-être si, mais sans la voix, c'est vrai que. Ça serait pas chanté pareil. Ça serait pas interprété pareil, déjà, ouais, je pense. Mais du coup, toi, t'en as pensé quoi de ce groupe? Parce que j'étais curieux de voir que il peut y avoir une partie musicale qui t'intéresse. Et cette partie vocale, comment elle a fonctionné sur toi? Eh ben, ça a bien matché en vrai. Ah. Sa voix. Alors que pas vraiment... au début, hein. Parce qu'au début, tu m'avais envoyé un message en disant, j'arrive pas trop à aimer Lee Proust, pas trop. Et moi, je t'avais dit, mais t'es pas forcément obligé d'aimer, hein. Pas de, tu vois. Mais j'avais pas vraiment pris le temps de, j'avais survolé un petit peu. Et du coup, là, je me suis, pour pouvoir en parler sérieusement, j'ai écouté sérieusement. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai écouté le premier album, j'ai dû écouter, j'ai survolé un petit peu Congrégation, Pitfall, et puis le dernier. Et franchement, ça a plutôt bien matché dans le sens où j'ai rien détesté. moi ça a bien accroché, hein. Franchement, mais sa voix, moi je la trouve t'aimes incroyable. Bien, sa voix, elle est... Comme moi. Non, et puis vraiment, tu vois, c'est un bonhomme avec une putain de voix, quoi. Ouais, mais justement. Même dans les aigus, enfin, je veux dire. Non, moi ça a bien marché, hein. Franchement. Ouais, je sais pas, moi. Ouais, je comprends. Mais par contre, j'entends bien ce que tu dis. Ouais, peut-être qu'il y a eu des albums, et encore sur le dernier. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que ils ont trouvé une recette qui marche, oui, c'est fort, sûr. Qui match bien. Ah bah oui. Après, ça n'empêche pas quand même la recherche, c'est travailler, c'est. Il faut que tu réécoutes un peu plus vers la partie instrumentale, peut-être aussi voir. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire ce matin même. Tu vois, j'ai essayé d'écouter. Et vraiment, j'étais en mode, mais. Ah, parce que franchement, toutes les parties un peu techniques, rythmiques et tout, à chaque fois, c'est tout. Il y a du niveau, mais je trouve que c'est toujours une espèce de support pour mettre en avant le chant de. Qui est bien le chant d'Aynard. Moi, j'aime pas, mais j'aime bien. Mais je reconnais que c'est bien fait. Mm-hmm. Mais tu vois, là, aujourd'hui, par exemple, quand je me suis un peu renseigné, ils avaient l'air de dire que, justement, Aynard, aujourd'hui, voulait bien faire la distinction entre ce que lui proposait tout seul et ce qu'il proposait avec Lee Proust. Dans les deux projets, moi, j'entends trop la voix d'Aynard, quoi. C'est vraiment. Mais toi, sa voix, elle te crispe ou c'est quoi? Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce que putain, moi, je la trouve, je sais pas, elle est nette, elle est fluide. En plus, il fait ce qu'il veut. C'est les effets un peu. Alors, je pourrais peut-être l'entendre, mais ça va tellement bien avec la musique, le résultat. Ça a super bien matché. Ouais, mais je comprends, mais pourtant, Aynard n'avait pas marché sur toi à l'époque. Ou alors parce que En projet solo, là. Ouais. Mais après, je me rappelle plus trop, c'est pas du tout pareil, peut-être, non? J'ai pas trouvé ça si éloigné. Mais en même temps, c'est parce que justement, moi, la voix m'a directement dit, oula, oui, d'accord. Parce qu'il fait, il est sur le même timbre de voix, tout pareil? Ouais, je trouve. Ok. Faudrait que je réécoute. Mais, de mémoire. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être, parce que tout le temps écouter, tu te retrouverais tout le temps un peu sur la même vibe. Après, tant que ça marche, c'est cool, mais peut-être, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a. J'aurais menti là, parce que j'allais dire il y a plus trop de surprises, mais si quand même, parce que les rythmiques, les envolées à chaque fois, ça marche bien, quoi. Alors oui, forcément, tu te retrouves toujours un petit peu dans un même état de planance, tu vois, c'est pas d'un album à un autre. Aussi, il y en a certains qui sont un peu plus dépressifs que d'autres quand même, mais après c'est peut-être juste une question de façon d'interpréter. Ça se trouve c'est un mec qui aurait un rôle très clair et très technique, mais en gros, peut-être que ça passerait mieux pour moi. Là, c'est vraiment, il y a certains titres dans les albums du début, peut-être avant le Sweet justement, où pour le coup, c'est beaucoup plus un peu plus hurlé, pas gros. Je trouve que pour le coup, là, c'était pas encore assez abouti. Je trouve qu'ils en étaient à leur début. Comme un peu avec leur pochette, il y a un début de jeunes musiciens qui sont en train de grandir avec et qui laissaient présager quelque chose. Mais ils ont trouvé leur style, ils ont trouvé leur recette et malheureusement, après, il a une bonne popularité dans l'ensemble. Ce groupe, mais ça cartonne, ça marche très bien. Moi, c'est pas du tout mon délire. Ouais. Mais c'est cool justement de voir que toi, ça a marché. Ça a bien marché, ouais. En même temps, cette voix, franchement, moi, je comprends c'est justement ça marche le problème. Plus en majorité que l'inverse quand même, parce que elle est nette, elle est. Tu vois, c'est incomparable, mais tu vois, Peyton Parrish, il va plus utiliser, je sais pas. Je m'attendais pas à cette comparaison, Je veux dire, c'est des gars qui ont des voix. Lui, il va plus vers, je sais pas, une espèce de virilité extrême et tout. Bon, ça marche pas trop. Là, il y a une espèce de sensibilité assumée, tu vois, et ça enlève pas le côté masculin du chant. Tu vois, enfin, ce que, ouais, mais on est plus... ce que je veux dire. Ouais, mais je trouve qu'on est quand même plus sur un ressenti de type chialade que de type. Ouais, peut-être, peut-être. Mais moi, ça me perd. Là, on est plus sur de la sensibilité que de la virilité pure et dure. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire que je suis un mascu toxique. Toxique, pas tant que ça, écoute, hein, j'ai envie de dire. Du coup, au final, alors, tu dirais quoi? Tu irais voir? Ah, moi, j'irai voir, ouais. Ouais, ouais, carrément. Donc, je te dis pas qu'ils sont passés à Rouen il y a pas très longtemps. Non, parce que ça va pas non plus me peiner à ce point-là. D'accord. Je suis pas devenu le grand fan de Liprous, mais c'est vrai que je pense que je vais continuer d'aller piocher un peu dans la discographie, me faire un petit album de temps en temps. Ouais. Fais attention quand même, faut pas trop abuser. Écoute. Bah, écoute, Tonaï, on a fini avec les pouces. Merci beaucoup. De rien. Puis je te dis avec plaisir. Et je te dis à la prochaine. Ouais.